Chapitre 34. Guerre déclarée. C'est vraiment la guerre. En quelques jours, se servant habilement des imprudences de Gantôme, des radotages de Peuparle, Galfard et l'estimable Monsieur Blaise ont su ameuter tout le puget mort contre moi. La chose ne leur a pas été difficile, avec cette population de paysans libres et fiers, promptes à rêver trésors pendant les loisirs que leur fait une existence de demi-paresse orientale, tous d'ailleurs plus ou moins faiseurs de poudre ou braconniers, et chez qui, pour un rien, en subite colère, se réveille le vieux sang des pirates. Il s'était habitué à vivre pauvre sous leurs oliviers, parmi les ravins, se consolant comme peu parle à l'idée qu'il pouvait se dire riche après tout. Cette illusion dorait leur misère et les faisait regarder de haut les habitants des autres villages. Chacun d'eux vaguement, obscurément, espérait qu'un jour, en défrichant quelque aride plateau fleuri de touffes de lavande, deux ou trois coups de pioche, heureux, mettraient à découvert l'entrée de la caverne féerique. Lequel d'entre eux ne se souvenait pas, étant à l'affût, d'avoir entendu bêler la chèvre éteinter sa claire clochette. Que la chèvre continue, comme par le passé, à dormir sur une litière d'or au fond de sa retraite ignorée et que les sequins, les lingots du roi de Majorque, restent sous terre pour toujours. Ils en sont contents, ils l'admettent, sans désirer plus. Mais je viendrai, étant étranger, à moi tout seul, les voler tous et ravir l'immémorial héritage du puget mort? Cela aussitôt fait scandale, allume les haines et déchaîne les convoitises. Je suis surveillé, suspecté. Dans les rues, je surprends à chaque tournant des regards, des gestes hostiles. Les femmes, me montrant, se parlent à voix basse. Les enfants ne m'injurient pas encore, mais déjà, ils oublient de me saluer. Au champ, il n'y a pas de coin de muraille, il n'y a pas de tronc d'arbre, ni de bouquet de cactus, où je ne devine, m'épiant, un œil soupçonneux et noir, et ce n'est plus uniquement par contenance que je prends mon fusil lorsque je sors en promenade. Le curé lui-même, cet excellent abbé Seb, par amour de la paix, se détourne de moi. Seul, peu parle, ne craint pas de rester notre ami. Gantôme va le voir tous les jours dans son désert, malgré ma recommandation de prudence. Et causant avec lui de la chèvre d'or, s'exalte aux divagations fatalistes et visionnaires du bonhomme. Mais hier, Gantôme, qu'enveloppe la tempête déchaînée sur moi, Gantôme est rentré tout meurtri, après un combat à coups de pierre héroïquement soutenu contre une embuscade des gamins du pays. Mademoiselle Norette l'a pensé. Je suis devenue tout triste, me rappelant cette parole de Peuparle. Il y a du sang, des gouttes rouges mêlées aux traces d'or que laisse la chèvre sur les rochers. Pensé par Mademoiselle Norette, Gantôme était tout radieux.